nous notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le poste que tu devrais occuper, mon frère, ma sœur, ils ont comploté et ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Et pourtant, tu es compétent, tu es compétente. Mais laisse-moi te dire, ne sois pas découragé. Les temps viendront où le Seigneur va faire valoir les talents et les dons qui sont en toi et ils seront obligés de te réhabiliter. Parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui va te positionner. Réveille-toi, nous allons prier. Invoque le nom de Jésus-Christ. Même s'ils ont fait des fétiches, ton Jésus-Christ, le roi des rois, celui que nous invoquons à OSB, il est au-dessus de tout pouvoir, tout genou fléchi devant lui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Esdras, chapitre 2, versets 1 à 58. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire un long texte, Esdras 2, 1 à 58. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Relaja, Mardoché, Bishan, Mispar, Bigvai, Rehum, Bana, nombre de hommes du peuple d'Israël, les filles de Paréoch, 2172, les filles de Shepatia, 372, les filles d'Arak, 775, les filles de Parcha, Moab, les filles de Josué et de Joab, 2812, les filles de Lam, 1254, les filles de Zatu, 945, les filles de Zakaï, 760, les filles de Bani, 642. Les filles de Bebaï, 623. Les filles d'Asgad, 1222. Les filles d'Adonikam, 666. Les fils de Begvaï, 2056. Les filles d'Adim, 454. Les filles d'Ater et de la famille d'Ézéchias, 98. Les filles de Betsaï, 323. Les filles de Jora, 172. Les fils d'Achoum, 223, les fils de Gibar, 95, les fils de Bethléem, 123, les gens de Netopha, 56, les gens d'Anatot, 128, les fils d'Azmavet, 42, les fils de Kirja, Harim, de Kephira et de Beroth, 743, les fils de Rama et de Geba, 621, les gens de Mikmak, 122, les gens de Bethel et d'Aï, 223, les filles de Nebo, 52, les filles de Magbish, 156, les fils de Lot et Lam, 1254, les filles d'Arim, 320, les filles de Lod, de Hadid et d'Ono, 725, les filles de Jéricho, 345, les filles de Sénat, 3630, sacrificateurs, les filles de Jedaéja, de la maison de Josué, 973, les filles d'Imer, 1052, les filles de Pachur, 1247, les filles d'Arim, 1017, Lévites, les filles de Josué et de Kadmiel, des fils de Odavia, 74, chantres, les filles d'Azaph, 128, filles de Portier, les filles de Shalom, les filles d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les filles d'Atita, les filles de Shobaï, en tout 139. Netinien, les filles de Tsisha, les filles de Hasupa, les filles de Tabaoth, les filles de Keros, les filles de Siaha, les filles de Padon, les filles de Lebana, les filles de Agaba, les filles d'Akub, les filles d'Agab, les filles de Shamlaï, les filles de Anan, les filles de Gidel, les filles de Gacha, les filles de Reaja, les filles de Retsin, les filles de Nekoda, les filles de Gazam, les filles d'Uza, les filles de Passiak, les filles de Bezaï, les filles d'Asna, les filles de Mehounin, les filles de Nefusim, les filles de Bakoub, les filles de Akoufa, les fils de Harour, les fils de Batlou, les fils de Meïda, les filles de Barcha, les filles de Barcos, les fils de Sisra, les fils de Tamak, les fils de Netziach, les fils de Atsiva, les fils des serviteurs de Salomon, les filles de Sotai, les filles de Soferet, les filles de Peruda, les filles de Jala, les filles de Darkon, les filles de Gidel, les filles de Sheptatia, les filles de Atil, les filles de Pokeret Atebaim, les filles d'Ami, total de Nétiniens et les filles des serviteurs de Salomon, 322. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce long passage. La première vérité, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu a prévu la délivrance de la captivité de son peuple. Je vais parler à quelqu'un, ça fait plus de 15 ans, depuis que tu étais jeune, tu étais toujours dans une prison, tu as toujours vu que tu es dans un cachot, la nuit tu n'arrives pas à dormir, parce qu'on t'a envoûté, on t'a bloqué, mais j'aimerais te dire qu'il y a un temps où Dieu a prévu pour ta délivrance, et ce temps est arrivé. Tous ceux qui t'ont retenu captif, la puissance de Dieu va neutraliser leurs forces, et Dieu va te libérer. Jésus-Christ est tout puissant. Regardez ce qui se passe ici. Il y a un temps où les enfants d'Israël ont été déportés en captivité à Babylone. Mais après 70 ans, selon les prophéties de Jérémie, Dieu a décidé de délivrer son peuple de manière inattendue. Et nous avons vu hier qu'il a utilisé un roi païen, Cyrus. Il a signé les décrets. Quand le temps de Dieu arrive, aucune force ne peut résister parce que Dieu a déjà prévu ta délivrance. Il est dit au verset 1, « Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem, en Juda, chacun dans sa ville. » Vous voyez, il y a des Nebuchadnezzar, c'est-à-dire des puissances spirituelles qui ont dominé sur ta vie. De la même manière que Nebuchadnezzar est entré dans la ville de Jérusalem, il a détruit les temples, il a amené en captivité les gens prisonniers, quelle que soit sa force. Mais Dieu a prévu un temps où il a neutralisé la puissance des Chaldéens, des Babyloniens pour délivrer son peuple. Est-ce que tu crois que ce temps est arrivé pour toi? Si tu crois, tu commences à déjà proclamer pour dire « Seigneur, mon temps de la délivrance est arrivé ». Et lorsque le temps de la délivrance, de la captivité est arrivé, tu vas retourner dans ton identité. Tu vas retourner dans ta situation. Vous voyez, les enfants d'Israël n'imaginaient plus qu'ils pouvaient retourner à Jérusalem, dans leur ville natale. Mais la puissance divine a agi et ils sont retournés à Jérusalem. Deuxième vérité, c'est l'importance de l'organisation. Dieu veut toujours qu'une société soit organisée. Vous voyez ici, même lorsqu'ils sont rentrés de l'exil, il y avait ceux qui étaient à la tête. Mon ami, on ne peut pas vivre dans une société où il y a un désordre, même dans l'église. Dieu a prévu qu'il y ait des responsables. Il y a un président d'église, il y a des présidents des districts, il y a les présidents, il y a le pasteur, il y a les conseils. Il faut respecter l'ordre établi. Dans une société, il y a toujours des gens que Dieu place à la tête. Vous voyez, toute autorité vient de Dieu et nous devons accepter le principe de l'organisation, le principe d'être guidé. Quand on n'accepte pas d'être guidé, c'est le désordre, mon ami. Vous voyez ici, il est dit au verset 2. Ils partirent avec Zorobabel. C'est Zorobabel qui était comme le gouverneur. Vous voyez, Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Relaja, Mardoché, Bilsham, Mitzpar, Bigvai, Rehum, Bana. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui étaient comme les chefs de file, bien-aimés dans le Seigneur. Même dans nos familles, Dieu a placé des responsables de famille. Lorsque tu as un père, tu dois apprendre à le respecter. Lorsque tu as une grande sœur, un grand frère, tu dois apprendre à le respecter, quel que soit ce que tu es. Vous voyez, l'organisation est toujours importante pour diriger, pour réussir dans tout ce que nous faisons. Quand il y a le désordre, on ne peut pas aller loin. Troisième vérité, l'important du dénombrement. Vous savez pourquoi ici, on cite la liste des gens. C'était pour se rassurer sur les origines, sur l'identité vraie de tous ceux qui devraient retourner à Jérusalem. C'est important pour nous. Regardez, les gens étaient identifiés soit par leur famille, soit par leur ville natale. Vous voyez, c'est pourquoi on parle ici des fils d'un. Fils d'un. Par exemple, on identifie certains selon leur ville. Les fils d'Anatote, les fils de Bethléem. Bien aimé, même aujourd'hui dans l'église, nous devons savoir l'identité de chacun. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est converti. Il faut que tu sois à mesure de savoir, de dire par exemple, quand est-ce que tu t'es converti? C'est qui t'a gagné à Jésus? Il y a des gens qui sont comme des singletons, ils n'ont pas de père spirituel, ils n'ont pas de mère spirituelle. Ce n'est pas normal. Tu es fils de qui? Qui t'a engendré? Vous voyez, c'est important. Il fallait identifier aussi bien le peuple simple que les autres couches, même les sacrificateurs, ceux qui servaient le Seigneur. On devrait aussi les identifier. Vous voyez, il est dit par exemple au verset 36, sacrificateur, fille de Jedaéja, de la maison de Josué, 973, les filles d'Imer, filles de 50. Les filles d'Imer, 1052. Les filles de Pachou. Donc, même ceux qui servent Dieu. Parfois, il y a des gens qui s'improvisent où on ne sait même pas quand est-ce qu'il s'est converti. Il a suivi quelle formation, qu'il a gagné, qu'il a encadré. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous devons faire parfois l'identification pour se rassurer de qui est qui. Vous voyez? Même dans nos églises, il y a des gens qui s'infiltrent. Les gens aujourd'hui qui s'autoproclament serviteurs de Dieu, prophètes, pasteurs. Mais on ne sait pas où ils ont été formés, qui les a gagnés, qui les a encadrés. Et là, l'ennemi peut s'infiltrer. C'est pourquoi les enfants d'Israël devraient même identifier même les sacrificateurs, même les lévites, vous voyez. Au verset 40, il est dit, les lévites, filles de Josué, de Kadmiel, des fils de Hodavia, 74. Même les chantres, aujourd'hui, tout le monde s'improvise, chantre. Il suffit d'avoir une belle voix et dire, je fais sortir les cassettes, je fais sortir l'album. Oui, mais c'est aussi un appel. En ce temps-là, c'était des Lévites, des personnes qui étaient consacrées, appelées par Dieu. Nous devons aussi savoir identifier qui sont réellement des chantres, qui sont appelés par Dieu, qui sont consacrés, et ceux-là qui ne le sont pas. L'identification est importante pour déterminer la vraie identité de chaque personne. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer en le bénissant à travers ces cantiques. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'est-ce merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, larmes pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité pour dire, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur. Mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas non te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Nous ne pourrons pas, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour sa grâce, pour son amour et sa bonté. Te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu tout-puissant. Sois béni, ô notre Père, toi le Dieu qui décide de délivrer ton peuple, quelles que soient les puissances spirituelles qui l'accablent. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Seigneur, toi notre délivrance. Sois béni, ô notre Père, notre Seigneur, toi le roi des gloires, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de nous délivrer. Nous t'élevons en ce moment et nous te glorifions, notre Dieu, notre Père, pour cela. Merci, ô Seigneur, toi le Dieu qui nous fait retourner dans notre terre promise. Tu es celui qui nous libère et qui nous fait posséder notre terre promise. Sois béni, ô notre Seigneur, toi qui nous organise. Tu es celui qui organise ton peuple et qui le soutient. Tu le conduis pour ta seule gloire. Nous bénissons ton nom, ô Père, et nous t'élevons en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission de prières OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Esdras 2, 1 à 58. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps de la captivité. Mais Dieu a prévu aussi la délivrance de la captivité. C'est pourquoi 70 ans après, il a prévu le retour à Jérusalem des exilés. bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que toi, tu as vécu longtemps dans une captivité, où ton mariage est bloqué, dans toute ta famille, personne ne se marie, où ton commerce est bloqué, où tout ce que tu fais est bloqué. Maintenant, tu vas prier pour dire, Seigneur, mets fin à ma captivité, comme tu as mis fin à la captivité des enfants d'Israël qui sont retournés à Jérusalem. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, que ton nom est glorieux et majestueux. Nous disons merci ce matin, Père éternel, parce que lorsque nous nous sommes couchés hier, nous avons mis notre foi et notre confiance en toi et nous nous sommes réveillés ce matin, c'est par ta grâce. Nous prions ce matin au Père éternel, sur la base de ta parole qui dit « il y a un temps pour toutes choses ». Nous prions au Père éternel pour nos sœurs, pour nos frères qui sont dans la captivité en ce moment. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ qu'un terme est mis de façon irrévocable à cette captivité. Ceux qui sont dans la captivité du chômage, ceux qui sont dans la captivité de la stérilité, ceux et celles qui sont dans la captivité du célibat. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons leur délivrance, que les liens de la captivité sont brisés. Oh Dieu, lève-toi et que nos ennemis se dispersent, que les liens de la captivité soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole au Père éternel et délivre tes fils et tes filles de la fosse. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous proclamons cette délivrance. Par la foi, nous te disons merci, Père éternel. Merci pour cette grande délivrance. Pendant longtemps, nous étions dans des grandes eaux. Elles ne nous ont jamais submergés. Nous avons traversé le feu. Le feu ne nous a jamais brûlés parce que tu as toujours été avec nous. C'est pourquoi ce matin, ô Père éternel, nous demandons que tu mettes un terme à cette captivité de maladie, cette captivité de non-accomplissement. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance de l'organisation. Même les exilés qui sont retournés, ils étaient organisés. Il y avait des chefs de file. Bien-aimés, prions pour que nous puissions accepter les principes de l'organisation. Que nous puissions nous soumettre à ce que Dieu a placé à notre tête, dans notre pays, dans nos entreprises, même dans l'église. Et que nous puissions bannir l'esprit de désordre, l'esprit de révolte à l'autorité. Que nous acceptions les principes que Dieu lui-même a établis afin que la société soit organisée. Prions le Seigneur. Croyons à ta parole ce matin. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu es le Dieu d'ordre. Sois béni, sois magnifié, sois glorifié, sois psalmodié, sois acclamé. Tu nous as créés à ton image. Nous devons vivre dans l'ordre, dans la discipline. Notre Dieu, notre Père. Respecter l'autorité établie par toi-même, par nous-mêmes. Ô Seigneur, réfuter, refuser, abandonner la voie de la rébellion, la voie du désordre, la voie de l'indiscipline, la voie, notre Dieu, notre Père, de l'adversité. Et nous prions, Seigneur, et c'est ce qui envoie des difficultés dans nos églises, dans nos familles. Nous prions ce matin que l'ordre soit établi dans nos familles, l'ordre soit établi dans nos conseils, l'ordre soit établi dans nos églises, dans nos entreprises, notre Dieu, notre Père. Merci parce que tu nous donnes la crainte. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir l'important du dénombrement. Il fallait dénombrer ceux qui sont retournés de la captivité pour connaître l'identité de chacun. Prions le Seigneur afin qu'aujourd'hui, au moment où il y a la confusion dans l'église, il y a tout le monde qui se dit chrétien, tout le monde se dit enfant de Dieu, tout le monde se dit pasteur ou serviteur de Dieu. Que Dieu lui-même révèle ceux-là réellement qui sont appelés par lui, ceux-là qui ont sa semence et qu'il puisse aussi dévoiler ceux-là qui ne lui appartiennent pas. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Saint à l'Éternel des armées, merci parce que, effectivement, Seigneur, tu as fait don, tu as fait grâce à tes enfants. Tu les as mis à part pour les utiliser, pour faire avancer ton royaume, pour que des âmes soient sauvées. Au travers, Seigneur notre Dieu, de tes serviteurs, pour que ta parole soit prêchée et que la foi soit communiquée. Merci parce que il y aura toujours la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Les véritables, selon Zacharie 8, à partir du verset 23, il est écrit « Ainsi par l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec vous ». Seigneur, merci parce que le juif, oui, c'est celui qui a ta crainte, qui a l'esprit de Dieu en lui et qui œuvre et qui marche selon le Saint-Esprit. Père, merci parce que au travers donc de ce ministère, de ce oint que tu as qualifié, merci parce que multitude viendra à toi. Et ceux-là qui ne sont pas de toi et qui font confession de te connaître, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui les suivent verront que ce sont des agents du diable, ce sont des ennemis pour troubler la quiétude, la paix de ton œuvre. Et les suiveurs et tous ceux qui les accompagnent les abandonneront, les laisseront pour venir à toi. Merci pour le discernement que tu donnes et que tu qualifies à tes enfants afin d'être guidés par le Saint-Esprit pour savoir comment marcher avec tes serviteurs que tu as mis à part à la gloire de ton nom, pour que leur bénédiction soit connue et vue au travers des ministères que tu as donnés à tes enfants. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler notre rendez-vous de ce samedi. Ce sera la rencontre, le concert des Amis des Fréquences Vie. Nous serons tous à Yopougon, à l'église Assemblée de Dieu de Yopougon-Gare, à partir de 9h. C'est libre pour tous les Amis des Fréquences Vie. C'était OSB. À demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.